أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Dans le précédent cours, nous nous étions arrêtés sur le thème de mettre une sutra lorsqu'on prie. Et nous avons précisé, une sutra, c'est l'obstacle hein, qu'on met devant soi pour la prière, pour que celui qui veut passer passe derrière cet obstacle-là, et ne passe pas entre celui qui prie et cet obstacle. Et cet obstacle est demandé pour toute personne qui prie seule, et pour l'imam qui prie en, dans la prière en groupe, c'est à cette personne qui est demandé une sutra. Et donc, la sutra n'a pas de largeur bien précise, mais en longueur, il faudrait qu'elle ait au minimum environ une coudée, ce qui équivaut à 50 cm à peu près. Donc, un poteau peut servir de sutra, n'importe quel objet peut servir de sutra, une monture pour celui qui est dehors peut servir de sutra. Donc, l'essentiel, c'est que ça ait une hauteur au minimum d'une coudée. Mais pour ceux qui prient derrière l'imam, tous ceux qui prient derrière l'imam, eux n'ont pas besoin de sutra. Les rangs, tous les rangs, leur sutra à tous, c'est la sutra de l'imam. La sutra de l'imam, elle est pour l'imam et pour tous ceux qui prient derrière l'imam. Donc c'est pour cela que il est permis de passer entre les rangs. Mais l'interdiction à ce moment-là, c'est de passer entre l'imam et sa sutra. Mais de passer entre les rangs pour quelqu'un qui a perdu ses ablutions, pour quelqu'un qui vient retardataire, qui veut se mettre au bout du rang, et il est obligé de passer entre les rangs, il n'y a pas de problème. L'interdiction à ce moment-là, elle est de passer devant l'imam, entre l'imam et sa sutra. Et pour ceux qui prient derrière, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était une précision à faire là-dessus. L'auteur, Hafizahullah, nous dit قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته عليه الصلاة والسلام. Donc la lecture du messager عليه الصلاة والسلام et sa prière. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Allah le traduit dans le sens du verset, si on peut dire, récite le Coran tranquillement, convenablement. Et c'est le fait de ne pas le réciter précipitamment. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude dans ses prières de ne pas rassembler entre deux versets. Il s'arrêtait à la fin de chaque verset. Ça c'était l'habitude du prophète alayhi wa sallam connu dans sa lecture. Hein, il n'assemblait pas entre plusieurs versets. Il n'avait pas ça pour habitude. Mais plutôt de s'arrêter en fin de chaque verset. Et ça demande aussi une bonne lecture du Coran avec un minimum de respect pour les règles de lecture. كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام. صحيح رواه ابن سعد. Le messager d'Allah, عليه الصلاة والسلام, ne lisait pas le Coran entièrement dans une période moindre de 3 jours. Jamais ne termine le Coran en moins de 3 jours. Le plus qu'il pouvait lire le Coran, c'était pour une période de 3 jours. Il le termine dans une période de 3 jours. C'est authentique d'après Ibn Sa'd. De même que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un compagnon, récite le Coran entièrement en 1 mois. Il dit, je peux faire plus au messager d'Allah. Et il a commencé à lui donner des périodes moins de 1 mois, il lui a dit 15 jours, 10 jours, une semaine, jusqu'à arriver à 3 jours. Et il lui a dit, et ne le récite pas entièrement en moins de 3 jours, car tu ne pourrais comprendre ce que tu récites. Car tu vas réciter tellement rapidement que c'est une régression qui ne sera pas respectable. Et que tu ne pourras le méditer convenablement. C'est clair que des fois on a des récits, des anciens, comme quoi qu'un récite le Coran pendant une nuit, Allahu a'lam de l'authenticité de ces récits, Mais même s'ils étaient authentiques, la meilleure des voix, c'est celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le prophète en fait, ne le lisait pas en moins de 3 jours. Et il a même dit aux compagnons de ne pas le lire en moins de 3 jours. Et la raison, car il ne pourra pas le comprendre et le méditer convenablement. Donc, et le maximum, il faut faire en sorte qu'on ne dépasse pas 1 mois. Il y a un minimum et un maximum. C'est-à-dire que tous les mois, au minimum, tu termines 1 fois la lecture du Coran. Et si vraiment tu es volontaire, et alhamdoulilah, tu as du courage de pouvoir faire plus, tu ne le fais pas en moins de 3 jours. Donc tu vois, entre 3 jours et 3 mois. Entre 3 jours et 1 mois pour ta lecture du Coran. Et chacun doit avoir une partie du Coran à réciter, à lire quotidiennement. Sinon, cette personne fait partie de ceux qui se sont éloignés du Coran. De ceux qui ont tourné leur dos au Coran. Donc, lorsqu'on parle de ceux qui ont tourné le dos au Coran, il y a une catégorie de gens, ce sont ceux qui ne lisent pas le Coran. Et ceux qui délaissent la lecture plus qu'un mois. Donc, on a entre 1 mois et 3 jours pour la lecture du Coran. كان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف صحيح رواه الترمذي. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le prophète عليه الصلاة والسلام a coupé les versets. Il s'arrêtait à chaque verset. Il lisait chaque verset tout seul. Il disait « Alhamdulillah Rabbil Alameen » et il s'arrêtait. Puis il disait « Ar-Rahman Ar-Rahim » puis il s'arrêtait. Et ainsi de suite. C'est authentique, rapporté par Al-Tirmidhi. « Kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul zayyinu al-Qur'an bi aswatikum fa inna al-sawt al-hasan yazidu al-Qur'an husna » Sahihun rawahu Abu Dawud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, embellissez le Coran avec vos voix, car la belle voix ajoute dans la bonté du Coran et dans la beauté du Coran. Chacun essaye d'embellir sa voix pour la récitation. Un embellissement qui soit convenable. Parce qu'il y en a, quand ils lisent ça, après ils en arrivent à réciter le Coran, mais d'une manière comme si c'était une chanson. Et ils prennent des rythmes comme les rythmes des chansons. Et ça n'a rien à voir avec l'embellissement qui est demandé pour la récitation du Coran. Et parfois même ils sortent des règles du Coran, de lecture du Coran. Donc, il ne faut pas mal comprendre les textes. Chacun essaie d'embellir la voix, et la belle voix c'est un don qu'Allah donne à qui il veut. Hein, les gens, il y en a qui ont une voix grave, d'autres qui ont une voix aiguë, et ainsi de suite. Ça, c'est Allah, il donne à qui il veut. Mais chacun essaie, pour la lecture du Coran, d'embellir sa voix. Il y a Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, un jour le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, « Ya Abu Musa, si tu me voyais hier soir, lorsque je suis passé devant ta porte, et j'entendais ta récitation, et je suis resté debout devant ta porte, à écouter ta récitation. » Et Abu Musa, l'Ash'ari, il s'est connu pour avoir une belle voix dans la récitation du Coran. Et il a dit, Rabbi Allahu anhu, au messager d'Allah, si je savais que tu étais derrière la porte, je l'aurais encore plus embelli ma voix pour la lecture du Coran. Wa kana yamuddu sawtahu bil Qur'an madda, sahihan rawahu Ahmad. Et il prolongeait sa voix pendant la lecture du Coran, authentique rapporté par Ahmad. كان يقوم إذا سمع الصارخ الديك متفق عليه. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم entendait le cri ou le chant du coq, il se levait. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. كان يصلي في نعليه. Et entre guillemets, le terme est أحيانا متفق عليه. Et il arrive au prophète sallam parfois de prier avec ses sandales. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Naam. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on n'a pas le droit de prier avec ses chaussures. Et ça, c'est une erreur. Seulement dans les mosquées où il y a une de la tapisserie, il y a des tapis, il y a de la moquette, hein, on a pris pour habitude de ne pas entrer avec ses chaussures et d'enlever les chaussures avant d'entrer. Mais il y a des mosquées dans le désert où il n'y a pas de tapisserie. Tu entres, c'est le sable que tu as. Et parfois, tu es en voyage, tu pries sur de l'herbe, sur un sol, dans le désert, sur le sable, sur de la terre. Est-ce qu'il t'est demandé d'enlever tes chaussures là? Eh ben non. C'est une facilité dans la religion qu'on a. On a le droit de prier avec ses chaussures. On vérifie que ses chaussures n'ont rien, qu'il n'y ait pas de traces d'urine, d'excréments et ainsi de suite, des choses de souillure qu'il faut enlever. Dès qu'on voit que les chaussures elles sont propres, eh ben, on prie avec. Et c'est une sunna. À ce moment-là, ça devient une sunna. Et il ne t'est pas demandé d'aller chercher la difficulté en enlevant tes chaussures. Mais dans la mosquée, c'est parce que il y a la tapisserie, il y a la moquette, c'est pour cela qu'on enlève les chaussures. Et non pas parce que c'est interdit de prier avec les chaussures. Ça, il faut pas mal le comprendre. Et là, on revient dans ce hadith, qui est dans le Bukhari Muslim, que le prophète, sallam, parfois, il priait avec ses sandales. Et la mosquée du prophète, sallam, il n'y avait pas de tapis, il n'y avait pas de moquette. Ils étaient à même la terre. Et c'est pour cela que lorsqu'il pleuvait, il y avait de la boue. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait son visage de soujoud, il avait des traces de boue sur son front et son visage. Alayhi salatu wa sallam. Non, mais il n'avait pas. Donc, il n'y a pas de mal, et c'est même demandé lorsqu'on a ses chaussures et on peut prier avec, le mieux pour toi, c'est de prier avec tes chaussures. Et d'aller les enlever à ce moment-là, c'est chercher la difficulté. C'est chercher la difficulté. Et là, il y a une réponse à ceux qui sont dans leur usine, dans leur lieu de travail. Et parfois, il y en a, ils ont des chaussures de sécurité qui prennent du temps à être enlevées, à être remis. Et on a la facilité. Tu vérifies, il n'y a pas d'impureté, de réelle impureté dans tes chaussures. Tu pries avec, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Si c'est de la graisse d'usine qu'il y a, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une impureté. C'est une saleté, on s'en nettoie, on vient pour ne pas salir la tapisserie. Mais sinon, ce n'est pas une souillure. Ce n'est pas une impureté qui viendrait nuire à la prière. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de mal. Vous priez avec votre vêtement de travail. C'est pour ça qu'il y en a, ils peuvent prier au travail. Il y a des gens, ils peuvent. Mais lui, il se dit, je ne suis pas dans une situation de me présenter pour la prière. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il délaisse ce qui est possible pour de l'interdit. Et il fait bien la nuit, toutes les prières. Et là, en faisant ça, il commet un interdit. Parce qu'il a fait sortir les prières de l'horreur. Subhanallah. Pourquoi? Parce que lui, monsieur, ne veut pas prier dans cet état-là. Alors que la religion lui permet, subhanallah, elle lui permet. Elle lui permet, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas dans les meilleurs vêtements, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prier ainsi. Tu pries comme tu es. Il n'y a pas de mal. Et on l'a vu aussi pour les ablutions. Si quand tu as introduit tes pieds dans les chaussettes et dans les chaussures, tu les avais introduits alors que tu étais en état d'ablution, et bien après, lorsque tu perds tes ablutions et tu recommences tes ablutions, et bien tu passes les mains mouillées à la fin sur tes chaussures. Tu n'as pas besoin de les enlever pour laver les pieds. C'est encore une facilité qu'on a dans la religion. Non. Et il faut accepter les facilités qui nous sont données par Allah subhanahu wa ta'ala. كان يعقد التسبيح بيمينه صحيح رواه الترمذي وابو داود. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le zikr, le tasbih, avec ses doigts de la main droite. Avec les doigts de la main droite. Hadith authentique rapporté par al-Tirmidhi et Abu Daoud. Donc lorsqu'on fait le tasbih après les salades, c'est quoi? Il est voulu quoi ici? 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Le prophète ne le faisait avec ses doigts de la main droite. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ou alors avec les phalanges. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et ainsi de suite. Jusqu'à atteindre 33. Hein? C'est ça, Ya'qidu al-Tasbih. Il est voulu ici après la prière. Et de même qu'en dehors de la prière, lorsqu'on vous dit, le prophète disait 10 fois tel rappel, disait 100 fois tel rappel, et bien il le faisait avec les doigts de sa main droite. Et pour les dizaines, tu peux te servir des doigts de la main gauche. Mais le tasbih, tu fais avec la main droite. Tu as fait 10, tu veux faire 100. Tu as fait 10, là tu sais que c'est pour les dizaines. Mais ton tasbih, tu le fais avec la main droite. Et ainsi de suite. Pour t'y retrouver. Vous avez compris? Et ça, voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se servait pas d'un objet ou de quoi que ce soit pour faire le tasbih de sa main droite. Et pour sortir de toute polémique, c'est ça qu'il faut prendre cette habitude. Et les doigts témoigneront yom al-qiyama, le jour du mandané pour celui qui s'en servait pour le zikr. Et témoigneront yom al-qiyama. Donc il faut s'en servir. Prendre cette habitude. Et de ne pas s'attarder sur un chapelet ou je ne sais quoi. Ou un autre objet. La bonne habitude, c'est de le faire avec la main droite. Et voilà comment le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. كان إذا حزبه أمر صلى حسن رواه أحمد وأبو داود. Et dans ce hadith, le prophète sallam, lorsque il était attristé par une chose, touché par une chose, il allait à la prière. Hadith beau, rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Hein, vous avez vu, l'être humain, il peut être touché par un souci, par un mal quelconque. Eh bien, le remède, le prophète en fait, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il allait à la prière. Parce que dans la prière, il est en relation avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et dans la prière, il y trouvait son repos. Et ça l'apaisait de ce mal ou de ce souci qu'il pouvait avoir. Comme lorsqu'il dit à Bilal, radiyallahu anhu, « Arihna biha ya Bilal » Repose-nous avec au Bilal. C'est-à-dire, fais l'iqama pour qu'on puisse aller faire la prière. C'est un repos. Hein, pour certains, des fois, c'est un fardeau, la prière. C'est un fardeau qui est lourd à porter. Hein, il a envie de s'en séparer. Et bien, le prophète, sallam, pour lui, c'était un repos. Le fardeau, c'est la dunya, ce bas monde. Mais la prière, c'est un repos. Et donc, c'est aussi quand quelqu'un sent mal, il a un souci, et bien qu'ils prennent cette habitude d'aller chercher le réconfort et l'apaisement dans la prière. Parce que c'est là où tu es le plus proche de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. أَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ السَّاجِدُ. Là où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en état de prosternation. كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها رواه مسلم في صفه الجلوس في الصلاه. Et lorsqu'il s'asseyait, alayhi salatu wa sallam, pendant la prière, pour faire le tashahhud, il mettait ses mains sur ses genoux et il levait le doigt de la main droite qui est juste à côté du pouce. Il est voulu ici l'index. Il dit, «Usbu'ahu al-yumna al-lati tali al-ibham». Et al-ibham, c'est le pouce. Tali al-ibham, qui est juste à côté, qui vient juste après le pouce. Et là, on comprenait que c'est l'index. Et il faisait le dua avec, c'est-à-dire il faisait al-tahiyyat, le salat ibrahimiyya, et puis le dua qui vient après. Rapporté par Muslim dans la façon de s'asseoir dans la salat, dans le chapitre, sa façon de s'asseoir dans la salat. كان يحرك اصبعه اليمنى يدعو بها صحيح رواه النسائي. Et il bougeait son doigt, son index droit pour invoquer pendant le tashahhud. Il bougeait son index droit. Authentique rapporté par Nasa'i. Encadré, l'auteur dit السبابة عند الجلوس في الصلاة. Qu'est-ce que السبابة? C'est l'index. Hein? Parce que dans le hadith, il dit « Oswa'ahu », le doigt. Et donc, en tant qu'encadré, il nous le précise encore à nouveau pour nous dire que c'était l'index lorsqu'il est assis pendant la prière, pendant le tashahhud. On a déjà parlé sur les noms des doigts dans un cours précédent, n'est-ce pas? C'est qui s'en rappelle? Personne? Alors, le pouce, c'est comment? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Al-Ibham, l'index, Al-Sabbab, on appelle aussi Al-Mustabbiha. C'est elle qu'on bouge pendant le tashahhud. Taïeb. Comment on appelle ça en français? Celui du milieu? Le majeur. Ah, même en français, je crois qu'il y a des problèmes. Le majeur. Et comment on l'appelle en arabe, le majeur? Al-Wusta. C'est très bien, mais c'est celui qui est au milieu. Al-Wusta. Taïeb. Celui-là? L'avant-dernier? Comment on l'appelle en français? L'annulaire. C'est celui où les chrétiens mettent l'anneau. D'accord? Ils mettent l'alliance. C'est l'annulaire. C'est pas une coutume musulmane. Hein. L'annulaire. Donc, l'annulaire, comment on l'appelle en arabe? Al-Bansar. C'est un sab. Hein. On dit Bansar et on dit Al-Bansur. Il y a plusieurs façons de le dire. Naam. Et le dernier, comment on l'appelle en français? On s'en sert pour ce? L'auriculaire. Hein. Vous rappelez l'oreille, hein, vous en rappelez. L'auriculaire. Et en arabe, Al-Khamsar. Voilà. D'accord? Donc quand vous voyez ces mots-là dans les hadiths, vous savez de quel doigt on parle. Subhanallah. Vous le savez comme ça. Quand il dit, il parle d'un doigt bien précis, ben vous le comprenez directement. Tayyib. Wa yaqulu la hiya ashaddu ala ash-shaytan min al-hadith. Yani, dans en encadré, il dit, yani as-sabbaba. Hassanun rawahu Ahmad. Et le prophète en fait, dit dans ce hadith, elle est encore plus dure pour le shaytan que le fer. Hadith bon rapporté par Ahmed. كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره يعني في الصلاة رواه ابن خزيمة وغيره وحسنه الترمذي. Il posait sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine. C'est-à-dire pendant la prière, rapporté par Ibn Khuzayma et d'autres, et rendu bon par At-Tirmidhi. Zakarahu al-Nawawi fi Sharh Muslim. Ceci est cité par Al-Imam al-Nawawi dans son commentaire de l'Authentique de Muslim. Wa da'afa haditha wad'i liyat tahta surah. Et l'Imam al-Nawawi, il a rendu faible le hadith qui dit que le prophète sallam mettait les mains en dessous du nombril. Ça, c'est un hadith qui est faible. Même si certains l'appliquent, c'est un hadith qui est faible. Et les hadiths authentiques parlent de la poitrine. Hein? La poitrine, c'est cette hauteur-là. Parce qu'il y en a, ils lèvent les mains jusque-là. Hein, on les voit, ils font comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui voudrait s'étrangler. D'accord? Ça, c'est, ce n'est pas, là, c'est, on appelle ça un nahr. Le sadr, c'est là, le sadr. La poitrine, c'est ici. Hein, au-dessus du nombril, un peu au-dessus du nombril, jusqu'à là, ça, c'est ça la poitrine. Pas là. Ça, c'est une erreur, commise par certains. Et donc, et voilà la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait les mains lâchées. Ça, ça n'existe pas dans la sunna. Dans la sunna, on prie, on vous l'a déjà dit, hein, la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Voilà comment on doit prier. Mais de prier comme ça, ça n'existe pas dans la sunna. Il n'y a pas de hadith qui dise que le prophète en a prié les bras allongés. Bien que ça existe dans certains ouvrages sur le rite malikite, mais ce n'est pas l'imam Malik qui a enseigné ça. Puisque l'imam Malik, rahimahullah, dans son muwatta, il rapporte le hadith qui dit qu'il faut mettre la main droite sur la main gauche pendant la prière. Mais il y a des récits qui disent que vers la fin de sa vie, que l'imam Malik avait été emprisonné et avait été frappé à ses épaules et qu'à la fin, il avait du mal à lever les mains. Et il se peut que certains de ses élèves l'ont vu de loin prier les bras allongés et ils ont cru, peut-être, Allahu A'lam, quelle est la raison, que l'imam Malik a changé d'avis. Alors ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, al-Andalusi, un des plus grands savants de Mazhab Maliki, et un grand muhaddith, un savant du hadith, a dit que قبض الإمام مالك حتى قبض, que l'imam Malik priait avec la main droite sur la main gauche, sur la poitrine, jusqu'à que son âme fut prise, jusqu'à la fin de sa vie. طيب إن الأئمة الأربعة أجمعوا على قولي إذا صح الحديث فهو مذهبي. Et les quatre imams, qui peut me les citer? Les quatre imams dans le domaine du fiqh. Malik, Abu Hanifa, Ahmed et Shafi'i. Dans l'ordre chronologique, Abu Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i, wa Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. Ils ont été unanimes sur cette parole. Lorsque le hadith, c'est-à-dire du prophète, alayhi wa sallam, est authentique, alors c'est mon madhhab. Parce que un savant, bien que son savoir l'emporte sur son ignorance, et de ce fait il est savant, et on retourne à lui pour lui poser des questions, mais aucun n'a dit « j'ai amassé tout le savoir, et que je connais tout ». Un savant jamais ne dira ça, et ils n'ont jamais dit ça. Et le savant, tous les jours, il peut apprendre quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas. Et parfois, il peut avoir un avis, et plus tard, il s'avère, il comprend que son avis n'était pas bon, et il change d'avis. Et il n'y a aucune honte là-dessus. La honte, ce serait de persister dans son erreur, et de ne pas reconnaître sa faute. Mais de reconnaître sa faute, c'est preuve de modestie, et ne fait qu'élever la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, surtout le savant, en premier lieu, est conscient d'une chose, que les créatures ne leur ont été données comme savoir que très peu. Et qu'au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Subhanallah. Un ignorant pourrait peut-être ne pas savoir, mais un savant, il le sait, ça. Donc il ne faut pas faire dire aux savants et aux imams ce qu'ils n'ont pas dit. Il ne faut pas persister sur une erreur lorsque toi, tu as su que c'était une erreur, parce que tel savant ou tel imam a dit. Parce que lui, il est innocent de toi. Lui, quand il l'a dit, il pensait que c'était ça la réponse. Mais si il avait eu connaissance de ce que toi, tu as eu connaissance à ce moment-là, il aurait changé d'avis. Donc ne te cherche pas d'excuses en disant « mais tel savant a dit » car « yawm al-qiyama » il s'innocente de toi. Il n'a rien à voir avec toi. Il t'a jamais dit de le suivre aveuglément. Le seul qu'on suit sans lui poser de questions, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que lui, c'est un envoyé d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le prophète et le messager qui reçoit la révélation. Alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dit, lorsque le hadith il est authentique, sachez que c'est l'opinion que je prendrai. Ça veut dire ça. Sachez que c'est vers là que j'irai. J'irai vers ce hadith. فيكون التحريك. Et donc le fait de bouger le doigt pendant le tashahhud. ووضع اليد على الصدر في الصلاة من مذهبهم. Et de mettre la main droite sur la main gauche, sur la poitrine, fait partie de leur mazhab. Puisqu'on a les hadiths authentiques qui nous parlent de cela. Et ceci fait partie des actes recommandés, conseillés pendant la prière. لقد أخذ بسنة تحريك الأصبع السبابة في الصلاة الإمام مالك وغيره وبعض الشافعية رحمهم الله. كما في شرح المهذب للنووي وذكر ذلك محقق جامع الأصول. Donc, et après cette sunna, le fait de bouger le doigt, l'index pendant la prière, l'imam Malik, rahimahullah, et d'autres, ainsi que certains shafi'is, qu'Allah les prenne dans sa clémence. Comme on retrouve cela dans le commentaire de Muhazzab de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, et ceci fut cité par celui qui a revu, le muhaqqiq, celui qui a revu, recorrigé, Jam' al-Usul, rahimahullah. C'est-à-dire, al-Sheikh Abd al-Qadr al-Ma'ud, rahimahullah. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة في تحريكها في الحديث المذكور أعلاه. Et le messager, صلى الله عليه وسلم, nous a montré la sagesse pour laquelle il y a le fait de bouger le doigt dans le hadith qu'on a vu plus haut. Parce qu'il a dit qu'il est encore plus dur pour Shaitan que le faire. لأن تحريك الأصبع يشير إلى توحيد الله car le fait de bouger le doigt nous démontre l'unicité d'Allah وهذا التحريك الشد على الشيطان من ضرب الحديد et ce mouvement du doigt qui démontre le tawhid l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus dur pour Satan que d'être frappé avec du fer. Car lui, il déteste le monothéisme et l'unicité d'Allah. فَعَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا يُنْكِرُ سُنَّتَهُ. Donc, le musulman se doit de suivre le messager صلى الله عليه وسلم et ne pas rejeter ni renier sa sunnah. فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. Et le messager صلى الله عليه وسلم a bien dit priez comme vous m'avez vu prier. رواه البخاري. Et le hadith est rapporté par البخاري. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. La prière du messager صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. Allah le très haut dit dans le sens du verset ô toi l'enveloppé, parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prenait sa retraite dans la grotte de Hira, ça c'était un peu avant la prophétie, donc il faisait une retraite dans la grotte de Hira, il s'éloignait de son peuple, de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et il méditait sur la création, et l'ange Jibril, alayhi salam, est venu à lui. L'ange Jibril, alayhi salam, est venu à lui pour lui ramener la première révélation. Lorsque, bon, vous connaissez le récit, alhamdulillah, lorsqu'il est rentré, il est parti. Et puis, c'était aussi, juste avant sortant de la grotte, il a vu Jibril sous sa véritable forme. Il remplissait tout l'horizon. Là où il regardait, il y avait Jibril. Et il avait plus de 600 ailes, alayhi salam. Le prophète, alayhi salam, est descendu de la montagne et il est venu en courant chez lui, chez son épouse Khadija, bint Khuwaylid, radhiyallahu anha, et il a dit, zammilouni, zammilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et donc là, Allah dit, ya ayyuhal muzammil, ô toi l'enveloppé, lève-toi la nuit, sauf une petite partie de la nuit. Et pour le prophète, c'est-à-dire pour les prières de la nuit, Allah a ordonné les prières de la nuit. Pour son prophète, c'est une obligation pour lui. Et pour le reste de sa communauté, c'est un acte recommandé, un acte bon à faire. Et les meilleures des prières surgatoires, ce sont les prières de la nuit. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه. Donc dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Aisha radiallahu anha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ajoutait pas pendant le mois de Ramadan, pendant les prières de Tarawih, les prières de la nuit de Ramadan, ni dans les autres nuits en dehors de Ramadan. sur, il ne rajoutait pas, il ne priait pas plus que 11 raka'a, 11 unités de prière. Il faisait 4 raka'a. Ne demande même pas comment elles étaient bien faites et comment elles étaient longues. Puis il en faisait encore 4. Ne demande même pas, ne questionne même pas comment elles étaient bien faites et comment elles étaient longues. Puis il accomplissait 3 raka'as. Et elle dit, je lui ai dit, est-ce que tu dors avant de faire le witr, la prière de witr? Le prophète a dit, oh Aïcha, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Ça c'était propre au prophète, alayhi salatu wa salam. عن الأسود ابن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت donc d'après الأسود ابن يزيد qui dit j'ai questionné عائشة رضي الله عنها sur la prière du prophète صلى الله عليه وسلم pendant la nuit et elle dit كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإذا كان جنبا أفاض عليه من الماء أي اغتسل وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Et donc Aïcha radhiyallahu anha lui a répondu, il dormait le début de la nuit. Et lorsqu'il arrivait au dernier tiers de la nuit, il faisait le witr. Puis, il retournait à son lit, à son lieu de sommeil. Et s'il avait besoin de son épouse, il avait des rapports avec son épouse. Et lorsqu'il entendait l'adhan, il se levait directement. S'il était en état de grande impureté, de grande souillure, alors il allait prendre son ghusl. Il faisait sa douche, sinon, s'il ne l'était pas, alors il faisait seulement les ablutions et il allait à la prière, rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا متفق عليه. Et d'après Abu Huraira رضي الله عنه qui dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم faisait les prières de la nuit jusqu'à que ses pieds s'enflaient, gonflaient. Et il lui était dit, ô messager d'Allah, tu fais tout ça alors qu'Allah t'a tout pardonné, ce qui était d'avant ou à venir. Et il répondait, pourquoi ne serais-je pas un serviteur qui remercie? Si Allah m'a tout pardonné, eh bien je fais cela pour le remercier de ce qu'il m'a donné. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه البخاري. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai aimé de votre bas monde les femmes et le parfum. Et qu'est-ce qui pourrait avoir une traduction convenable de Quratul Ayn? Quelque chose qui était cher pour... Il y a un mot en français? Enam. Et la prunelle de mes yeux, elle est dans la salat, dans la prière. Rapportée par Al-Bukhari. Avec ça, on a terminé, alhamdoulilah, le chapitre de la salat. Et le prochain chapitre, c'est le chapitre de la zakat. On le laisse pour, inshallah, samedi prochain, après salat al-Asr. Wa subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.